Chapitre 12e. S'il était resté un peu de raison et de jugement dans l'esprit du colonel, il aurait pu faire des réflexions instructives sur les variations de paroles et les contradictions d'idées de sa chère marquise. En effet, Madame de Lucilière, qui tout d'abord lui avait si rigoureusement imposé le respect de la maison conjugale, avait paru bientôt oublier complètement les principes qu'elle avait tant de fois émis à ce sujet, et pour le triomphe desquels elle avait exigé l'acquisition de l'hôtel Neusonvaux. Un jour qu'il se plaignait de ne pas la voir plus souvent, elle l'avait arrêté net. « Et pourquoi ne venez-vous pas plus souvent chez moi ?»« Et le puis-je ? J'y vais toutes les fois que j'ai une raison ou un prétexte pour m'y présenter. »« Pourquoi, au lieu de chercher, chaque fois que vous venez chez moi en dehors de mes jours, des prétextes plus ou moins adroits pour expliquer vos visites ? Ne vous êtes-vous pas ingénié à inventer une raison vraie, qui, une fois trouvée, vous servirait désormais tous les jours ? Et comment cela ? Quelle raison ostensible puis-je avoir pour me présenter chaque jour chez vous ? Chez moi, je ne sais pas, mais chez le marquis, il me semble qu'il serait bien facile d'en trouver non pas une, mais 10, mais 100. Il eut un mouvement de répulsion. Elle haussa doucement les épaules, puis, lui donnant une petite chiquenaude sur le bout du nez, « Vous êtes un grand enfant, » dit-elle en riant, « un sauvage, un animal primitif et antédiluvien. Est-ce que dans un pays civilisé, est-ce qu'à Paris, on se conduit comme vous le faites ? J'ai commis une sottise. Une ! Dites 100, dites 1000, au moins en ce qui concerne le marquis. Votre attitude à son égard est véritablement inqualifiable. Comment ? Il est plein d'attention et de prévenance pour vous, d'une politesse exquise, toujours dispos, toujours souriant, et vous, vous recevez tout cela avec roideur. C'est à peine si votre main s'avance lorsqu'il vous tend la sienne. Il est vrai, mais mon embarras et ma contrainte proviennent d'un sentiment tout autre que celui que vous croyez. Ne pensez pas que je me trompe sur la nature de ce sentiment. Seulement, laissez-moi vous dire que s'il y a une honnêteté louable à le ressentir, il y a une maladresse dangereuse à le montrer. Moi aussi, je souffre de la situation coupable que la passion nous a créée. Et je puis dire que j'en souffre plus profondément que vous, en femme, en mère. Mais quoi ? Est-ce une expiation à notre faute que de crier à pleine voix « Je suis coupable » Il n'y en a qu'une, la séparation et le repentir. La voulez-vous ? Nous séparer ? Vous ne le voulez pas. Moi, je ne le pourrai pas. Alors veillez sur vous, je vous prie. À quoi bon cette roideur que je vous reproche ? Je ne suis qu'un sauvage, comme vous dites. Est-ce que les sauvages ne savent pas dissimuler ? Il me semble que les grands chefs sont précisément les plus habiles dans la ruse, qui n'est après tout que la politique. Pour eux, ce n'est point abaisser leur dignité que de conformer leur conduite apparente à leur intérêt. C'est là, justement, ce que je vous demande. Je vous assure que le marquis a pour vous beaucoup de sympathie, même de l'amitié. Mais malgré cette amitié, il finira certainement par se fâcher des rebuffades qui accueillent ses avances. Avez-vous pensé à cela ? J'y pense sans cesse. Une séparation serait déjà chose terrible pour vous et pour moi, n'est-ce pas ? Cependant, ce pourrait bien être pas tout. Sans doute le marquis voudrait savoir à quoi tient votre attitude, et bien qu'il n'ait jamais manifesté la moindre jalousie, il a trop vivement le sentiment du respect pour cela. Il ne tarderait pas à découvrir la vérité. Alors, qu'arriverait-il ? Il sentait toute la justesse pratique de ce raisonnement. Cependant, il souffrait de l'entendre formulé par la marquise. Démêlant très bien ce qui se passait en lui, elle n'insista pas, certaine que ce qu'elle avait dit suffirait pour amener bientôt le changement qu'elle désirait. C'était surtout devant elle que le colonel était gêné dans ses rapports avec le marquis. Il serait moins embarrassé et moins retenu lorsqu'il pourrait se dire que ses poignées de main n'étaient pas spontanées, mais qu'elles lui étaient imposées. On s'excuse volontiers lorsqu'on trouve des circonstances atténuantes dans le désir exprimé par celle qu'on aime. Qui pourrait se montrer sévère pour une lâcheté que l'amour inspire ? Abandonnant donc ce sujet pénible, elle revint à la question qui lui avait été posée par le colonel. Vous me demandiez, n'est-ce pas, si je trouvais une raison ostensible qui justifiât votre présence chez moi toutes les fois qu'il vous plairait de vous y présenter. J'en vois une excellente, et je suis même surprise qu'elle ne se soit pas présentée à votre esprit. Laquelle donc ? Pourquoi ne vous intéresseriez-vous pas à l'écurie du marquis et ne parieriez-vous pas sur ses chevaux ? Mais les choses du sport hippique n'ont aucun attrait pour moi, Il faut aimer ce que j'aime. Volontiers. Cependant, faut-il encore l'aimer d'une façon intelligente, et j'avoue que je ne connais rien ou presque rien aux courses de chevaux. Vous apprendrez, rien de plus simple. Le marquis se fera un plaisir de vous guider, et d'un autre côté, il sera très satisfait, j'en suis certaine, de vous voir prendre un intérêt positif à son écurie. Vous savez comme il en est fier. » Il eut pu répondre que quelque temps auparavant, elle avait exigé de lui le serment qu'il ne jouerait pas, et que les paris sur les courses n'étaient pas autre chose très souvent que le jeu avec d'habiles tricheries que les cartes ne comportent pas. Mais il n'en fit rien. Elle voulait qu'il devint un sportsman. Il deviendrait sportsman, que lui importait. Ce qu'il voulait, c'était la voir du matin au soir, tous les jours, toujours. Quel chemin il avait parcouru depuis le moment où il s'était dit, pour la première fois, que cette jolie marquise de Lucilière serait une agréable distraction dans sa vie, une charmante diversion. La distraction était devenue une véritable possession, irrésistible et de tous les instants. Plus il la voyait, plus il la voulait voir, et chaque visite, chaque entrevue, le laissait plus épris, plus passionné. Madame de Lucilière ne s'était pas trompée en parlant de la satisfaction probable de son mari. Le marquis se montra très heureux de la demande du colonel. Il était évident, dit-il, qu'un jour ou l'autre cela devait arriver. Un homme tel que vous ne pouvait rester en dehors des choses du sport. Mais je n'en suis pas moins très sensible à l'honneur que vous me faites de me prendre pour guide. Vous verrez quelles émotions donnent les courses lorsqu'on y est intéressé autrement que comme curieux. Un de nos hommes politiques, qui est un des auteurs du coup d'État de décembre, et qui par conséquent se connaît en émotions, me disait qu'il n'avait jamais eu le cœur serré, les entrailles tordues comme dans la courte seconde où se décidait la victoire ou la défaite d'un de ses chevaux. Vous verrez, vous connaîtrez ces émotions qui ne ressemblent en rien à celles du jeu. Dans le jeu, il n'y a que l'angoisse de l'attente. Dans la course, il y a la lutte. On tient la victoire, on ne la tient plus, on la reprend, on la perd encore. Le cœur bat, s'arrête et se reprend. Le colonel pensa qu'il était par bonheur encore assez jeune pour éprouver d'autres émotions que celles que donnent les cartes et les chevaux, mais il garda pour lui cette réflexion. Il se livra donc à l'expérience du marquis et commença sous la direction de celui-ci son éducation hippique. Mais ce fut sans éprouver les serrements de cœur et les tortillements d'entrailles qui lui avaient été prédits. Qu'il perdit, qu'il gagna, il restait impassible et jamais on ne vit son visage se couvrir de cette pâleur jaune qu'on remarque si souvent chez les joueurs dans les moments décisifs. Ce calme et cette froideur firent autant pour sa célébrité que son assassinat et ses fêtes. Quel estomac ! Disait-on, c'est admirable. Et cependant, cet homme, que les grosses pertes aussi bien que les gros gains laissaient complètement insensible, sans que son cœur s'arrêtât ou battît plus fort, pâlissait ou rougissait pour un sourire ou un froncement de sourcil de la belle Henriette. Plus de cœur que d'estomac, disait celle-ci en riant lorsqu'il se plaignait, ou plutôt n'est-ce pas moins de cœur que d'estomac, qu'il faut dire. Mais bien qu'elle plaisantât, elle était flattée de voir la puissance qu'elle exerçait. Ce qu'elle avait voulu s'était accompli. Ce n'était point un caprice qu'elle avait inspiré, c'était une passion. Bien que le moyen proposé par Madame de Lucilière eût amené des relations journalières entre le marquis et le colonel, celui-ci n'avait cependant pas obtenu tout ce qu'il avait demandé. S'il voyait la marquise plus fréquemment, il ne la voyait guère plus librement. Alors à quoi bon perdre son temps et son argent d'une façon qui ne l'intéressait guère et ne lui donnait que la sensation de l'ennui? Souvent il se plaignait à elle de ce résultat, si contraire à la réalisation de ses désirs, mais, bien entendu, sans parler de la question d'argent, qui pour lui n'était que la petite question. « Quand j'étais à Chalençon, disait-il, prisonnier dans ma chambre, vous trouviez bien moyen de venir passer avec moi des journées entières, non de temps en temps, mais presque tous les jours, et maintenant vous ne pouvez même pas me donner des heures. » J'ai accompli alors des miracles et j'ai fait l'impossible, ce qui prouve combien vous m'étiez cher. Ce que vous faisiez alors, ne pouvez-vous pas le faire aujourd'hui? Alors vous étiez malade, et vous ne l'êtes plus, et puis à ce moment, nous n'étions pas dans la saison, et maintenant nous y sommes. J'étais donc plus libre que je ne le suis aujourd'hui, et je n'avais pas une infinité de devoirs, d'obligations, d'engagements, de visites qui prennent mon temps et le dévorent. Comme il insistait, j'ai vu dans le monde, dit-elle avec impatience, de fort honnêtes gens, qui se figurent que ceux qui n'ont pas un travail régulier bourgeois, pour ainsi dire, ne font rien et sont maîtres de leur temps. Ainsi pour eux, le comédien est un paresseux, l'artiste un homme de plaisir, la femme à la mode une désœuvrée. Si on leur dit que le comédien apprend ses rôles de 9h du matin à midi, les répète de midi à 6h, les joue de 7h à minuit, ils sont étonnés. Si on leur montre l'écrivain penché pendant 12 à 14 heures sur son papier blanc, le peintre debout devant son tableau tout aussi longtemps, ils n'en croient pas leurs yeux. Enfin, si on leur explique que la femme du monde, qui ne fait rien, n'a souvent pas une minute à elle, ils pensent qu'on se moque d'eux. Eh bien, mon cher, vous appartenez jusqu'à un certain point à la classe de ces honnêtes gens. Je ne dis pas par vos idées sur les artistes. Je ne sais pas quelles elles peuvent être, mais par celles que vous avez sur les femmes du monde. » Puis, élevant la voix de manière à être entendu du marquis, qui était un autre bout du salon, occupé à repasser les additions de son carnet, ce qu'il faisait régulièrement chaque soir avant de se mettre au lit, et même souvent plusieurs fois par jour. « Savez-vous ce que le colonel me dit ? » demanda-t-elle. Il voulut l'interrompre, mais elle continua en riant, car c'était un de ses amusements de mêler tout à coup un tiers ou même son mari à ses entretiens intimes, qu'elle poursuivait alors avec des paroles à double sens, et en jouant sur la corde roide de l'équivoque, avec une légèreté qui, plus d'une fois, avait donné le frisson au colonel. « Il soutient, dit-elle, que nous autres femmes du monde, nous ne faisons rien, et que si nous n'avons pas une minute à donner à nos amis, c'est que nous ne le voulons pas. J'ai bien envie pour le punir de lui imposer une pénitence. » Bien que le marquis n'aimât guère à être dérangé dans ses comptes, il était trop rigide sur les questions de politesse pour ne pas prêter l'oreille à cette interpellation, qui cependant l'intéressait beaucoup moins que l'opération à laquelle il se livrait. Il posa son carnet, élevant la tête, avec cette figure attentive et curieuse qu'ont les confidents de la comédie française lorsqu'ils sont tout à leur rôle. « Une pénitence, » dit-il, car cette question appelait une réplique. « Oui, sans doute, c'est une idée, seulement qu'elle ne soit pas trop sévère. » Dur, pénible, à lui faire demander grâce, voilà ce qu'il a mérité. Le colonel s'était rassuré. « Ordonnez, » dit-il. « Vous jurez de m'obéir en tout et d'exécuter scrupuleusement ce qui vous sera ordonné ?»« Je le jure. Eh bien, voici ce que vous aurez à faire. Demain, à 10 heures, vous arriverez ici en costume du matin et vous vous ferez accompagner d'une malle dans laquelle se trouveront une toilette de ville et une toilette de soirée. « Alors, vous n'avez pas l'intention de le mettre en cellule ?» demanda le marquis. « J'avais peur de la prison. »« Oh, pas du tout. Bien au contraire. » D'abord, on vous conduira à une chambre qui vous appartiendra pour toute la journée. Puis vous demanderez à me voir, les ordres seront donnés, on vous introduira. Si je fixe 10 heures du matin, ce que je vais ce soir dans 3 maisons, et que je ne rentrerai pas avant 1 heure ou 2 du matin. Cette heure de sommeil ne vous paraîtront pas trop, je pense. Assurément non. Et vous n'exigez pas que je diminue ces heures de repos pour mes amis, même les plus chers. Il baissa les yeux. N'osant rencontrer ceux du marquis car l'allusion était un peu trop directe. « Vous ne l'exigez pas, » continua-t-elle, « c'est beaucoup de générosité de votre part. Donc, à 10 heures, je serai à votre disposition, ou plutôt, vous serez à la mienne. » « Et que diable voulez-vous lui faire faire ?» demanda le marquis. « Cela pique vraiment ma curiosité. » « Rien que ce que je ferai moi-même dans ma journée, du matin au soir, mais tout ce que je ferai. Notre ami voyage pour s'instruire, n'est-ce pas ? Eh bien, il y aura là une étude intéressante pour lui, je pense. Il apprendra ainsi ce que c'est que la journée d'une femme qui ne fait rien. Il verra à quoi nous passons notre temps. « Mais vous allez l'ennuyer horriblement, » s'écria le marquis. « La pénitence est trop sévère, il n'a pas mérité une pareille punition. Je m'oppose à un pareil supplice, c'est de la barbarie. » « Comme le colonel voudra, » dit-elle. « Demain, après-demain, dans 8 jours, je suis à sa disposition. Si j'ai choisi demain, c'est parce que c'est le jour le plus rapproché, et d'autre part, c'est parce que je ne pourrais pas, ce soir, si j'avais des intentions peu loyales, changer mes arrangements. Il aura donc une journée prise au hasard qui lui permettra de voir ce qu'elles sont toutes, ou à peu près. À demain. » Puis elle le quitta pour aller revêtir sa toilette de soirée. Revenant chez lui, le colonel ne pensa, bien entendu, qu'au projet de la marquise. Évidemment, il n'y avait rien de sérieux dans cette épreuve singulière. Ce qu'elle avait voulu, ce qu'elle avait recherché, ça avait été simplement un moyen de donner satisfaction à ses plaintes et de lui accorder ce qu'il demandait. Ils passèrent la journée ensemble, voilà la réalité. Le reste était plaisanterie. Mais combien habile avait-elle été dans toutes ses combinaisons? Quelle souplesse d'esprit, quelle dextérité dans l'invention! Comme tout était prévu, arrangé, et cette chambre pour la journée et ses différentes toilettes. Ne fallait-il pas être prévenu à l'avance pour savoir que tout cela n'était qu'un jeu, et que la vérité c'était le tête-à-tête pour toute la journée? Et marchant dans sa chambre sans pouvoir se décider à se mettre au lit, il s'enthousiasmait au souvenir des intonations et des sourires de sa chère Henriette. Ce n'était pas seulement parce qu'elle était la plus séduisante des femmes qu'il l'aimait, mais encore parce qu'elle était la plus fine et la plus spirituelle. Ce n'était pas de l'esprit qu'elle avait, c'était tous les esprits. Et avec cela, ce charme inappréciable qui faisait qu'on ne s'éloigne jamais d'elle sans être heureux, emportant avec soi assez de bonheur pour défrayer les heures de la séparation, si longues qu'elles fussent. Le lendemain, à 10 heures, il arrivait chez elle. Précisément, le marquis sortait. « Comment vous êtes venu ? » dit-il. « Eh bien, franchement, vous êtes bien bon de vous prêter à ce jeu. Un conseil, mon cher colonel, quand vous en aurez assez, vous savez, dérobez-vous. C'est bon pour les femmes, ces niaiseries-là. » Et le colonel le regarda s'éloigner sans hausser les épaules, malgré toute l'envie qu'il en avait. « Oh, c'est Marie !»« Madame la marquise attend, monsieur le colonel !» vint lui dire une femme de chambre.